السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنراجع مسائل المسح على الخفين وأدلتها. Donc nous allons réviser les questions relatives à l'effleurement sur ou bien des chaussons et ce qui y ressemble. Et suite aux différents cours portant sur Al-Mas' al-Khufayn, il y a eu de nombreuses interrogations, de nombreuses questions. Durant ce cours, on essaiera d'y répondre ensemble et de mieux comprendre ce qui a été enseigné. Inch'Allah ta'ala, tout s'éclaircira. Donc, Al-Mas' al-Khufayn est une action légiférée. Al-Mas'u 'ala al-Khuffayn mashrou' wa sunnah. C'est une chose légiférée et c'est une sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une action permise bittifaqi ahli sunnati wal jama'a. Et il n'y a pas de divergence à ce sujet chez les gens de la vérité. Et c'est une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala facilite à ses serviteurs afin de les alléger. Et la preuve de la permission, on la trouve dans le Coran, on la trouve dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il y a l'ijma'. قال الله فامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. وتواترت السنه او الاحاديث الصحيحه على جواز المسح على الخفين. Très nombreux sont les hadiths montrant la permission d'essuyer sur les chaussons. ابن شعبة ليس عنكم ببعيد قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسع عليهما. Donc Al-Mughira ibn Shu'bah رضي الله عنه était avec le prophète صلى الله عليه وسلم en voyage, et lorsqu'il a voulu lui retirer ses chaussons afin qu'il finisse ses ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: laisse-les, car je les ai enfilés alors que j'étais en état de purification. Puis il a essuyé sur ses chaussons. Et Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nous dit: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى من أعلى. وقد رأيت النبي sallallahu alayhi wa sallam يمسح على ظاهر خفين. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu nous dit: si la raison était, ou plutôt si la religion était avec la raison, le bas des chaussons aurait été plus à même d'être essuyé que le haut. Mais j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer sur le haut de ses chaussons. Ibn Abdelbar rahimahullahu ta'ala nous dit: المسح على الخفين لا ينكره إلا مبتدع خارج عن جماعة المسلمين فأهل الفقه والأثر لا خلاف بينهم في ذلك بالحجاز والعراق والشام وسائر البلدان إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين. الإمام le grand savant Ibn Abd al-Barr رحمه الله تعالى nous dit: l'effleurement des chaussons ne le rejette qu'un innovateur qui sort du groupe des musulmans. Les gens de la jurisprudence, les savants du fiqh et du hadith, il n'y a aucune divergence entre eux, que ce soit au Hijaz, que ce soit en Irak, que ce soit au Sham et dans tous les pays, il n'y a aucune divergence entre eux quant à la permission de cela. Si ce n'est auprès d'un groupe de personnes qui ont innové et ont donc rejeté l'essuyage sur les chaussons. La parole est plus longue que cela. Puis, nous avons lu ensemble Shurut al-Mas'i ala al-Khufayn, les conditions pour pouvoir pratiquer cette sunna. Et un conseil que je vous adresse, qui est adressé par les savants et les gens de science, c'est que lors de l'étude du fiqh, certaines personnes viennent avec des interrogations. Elles assistent au cours en ne recherchant que la réponse à cette interrogation. Hadama estafit, celui qui vient ainsi ne tirera pas pleinement profit du cours. Ce n'est pas comme ça que tu étudies. Tu apprends la définition des termes du sujet. Tu apprends l'asl fil mas'ala. C'est quoi la base dans cette question? C'est halal, haram, c'est wajib, c'est une sunna? Naam. Tu apprends les preuves. Puis les masa'il les plus importantes te seront citées. Prends ce qui t'est donné. Wala tasta'jil. Prends ce qui t'est donné et ne sois pas impatient. Prends ce qui t'est donné dans l'ordre dans lequel il te sera donné et ne sois pas pressé. Puis apprends les conditions, les piliers, les sunan, la façon de faire l'action, les annulatifs. Si tu fais cela pour chaque action, na'am, ça t'affera. À ce moment-là, tu comprendras ce qu'on attend de toi. Par contre, si tu viens autre ou bien avec une autre manière, tu vas, yani, ton esprit va se dissiper, va se diviser, tes forces vont se diviser et tu ressortiras à la fin du cours et tu n'auras pas maîtrisé les questions religieuses. Pourquoi? Car tu voulais que le cours soit fait selon ce que tu attendais toi. Naam. Mais peut-être qu'il te sera donné meilleur que ce que toi tu attendais pour ta propre personne. Et la science, elle se prend graduellement, petit à petit. Comme le disait l'imam Ahmed, al-ilm hadithuna ou hadithan. La science, c'est un ou deux hadiths. Yani, régulièrement, tu prends un hadith, puis un deuxième, puis un troisième, wa hakada. Naam. Donc, celui qui comprend ce qui lui est cité, qui note, qui mémorise, qui révise, il verra que c'est clair et que ça n'est pas vraiment, yani, difficile. Al-mas' ala al-khuffayn, ça n'est pas des, ça ne sont, yani, les questions relatives à l'essuiement ou l'effleurement des chaussons ne sont pas difficiles. Mais il faut prendre les choses graduellement. Il faut comprendre les conditions. Naam, il faut comprendre les conditions. Lorsque tu as maîtrisé les conditions, la suite est bien plus facile. Et tu n'as pas de difficulté à te retrouver dans les différentes situations. Si ce n'est pour quelques questions, Maza, qui n'arrive pas très souvent. Donc les conditions du mas'h, les conditions pour pouvoir essuyer. Premièrement, lubsuhuma ala tahara. Le fait de les enfiler après avoir fait al-wudu, c'est-à-dire au moment où tu enfiles tes chaussons, il faut que tu aies al-wudu. Il faut que tu aies al-wudu. Comme nous l'avons vu dans le hadith précédent, hadith al-Mughira, da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn. Laisse-les car je les ai enfilés avec la purification. C'est-à-dire lorsque j'ai mis mes chaussons, j'avais al-wudu. C'est la première condition. Si lorsque tu mets tes chaussons, naam, tu n'avais pas où tu n'as pas le wudu, tu ne pourras pas par la suite essuyer dessus. Tu seras obligé de les enlever pour laver tes pieds. C'est la première condition. La deuxième condition, ibahatuhuma, que ces chaussons soient licites. Tu n'as pas le droit de faire le masah si ces chaussons sont illicites. Soit en soie, comme l'homme qui porte de la soie, c'est haram pour lui. Il n'a pas le droit de faire le masah dessus. Soit pour une cause autre, comme celui qui les a volés par exemple. Pour lui, c'est haram de faire le masah dessus. Car le masah, c'est une facilité qu'Allah accorde à ses serviteurs. Et Allah n'accorde pas sa facilité, na'am, ses facilités et ses allègements dans la désobéissance. La désobéissance ne saurait causer la facilité. Ce qui cause la facilité et l'issue favorable, c'est la piété. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah nous dit, celui qui craint Allah, il lui facilitera une issue profitable. La troisième condition, طَهَارَتُهُمَا. طَهَارَتُهُمَا. أي العينية. Que tes chaussons soient purs. C'est-à-dire que la matière des chaussons ne doit pas être impure, comme les chaussons qui seraient, comme des chaussons qui seraient faits de chien, de peau de chien ou de porc, na'am, de choses impures. Et il ne s'agit pas ici du mot impur dans le sens il y a une impureté qui a touché les chaussons. Il ne s'agit pas de ça, na'am. Car celui qui a une impureté qui a touché ses chaussons, cela ne l'empêche pas de faire le masah. Si ce n'est qu'au moment de vouloir faire la prière, il sera dans l'obligation d'enlever l'impureté. Na'am, de nettoyer ses chaussons afin d'enlever l'impureté. Donc faites la différence, comme on l'avait fait dans l'introduction, entre al-najasa, al-ayniya, c'est la chose impure en soi. Même en la lavant 1000 fois, tu ne pourras la rendre pure. Et la najasa hukmiya. Et la najasa hukmiya, celle qu'on peut faire disparaître en la lavant ou d'une autre manière selon la chose. La quatrième condition, ayakuna min al-hadath al-asghar, c'est que ce soit pour al-wudu, les petites ablutions. Quant à la personne qui a l'obligation de faire al-ghusl, elle ne peut pas faire al-masah. Elle ne peut pas essuyer sur ses chaussons. Elle aura l'obligation d'enlever ses chaussons. Voici les conditions pour pouvoir faire al-masah. Voici les conditions pour pouvoir faire al-masah. Est-ce que ces conditions sont comprises? Na'am. On avait cité une cinquième condition? Je ne pense pas. Non. Probablement que c'est une masse à la suite. Prochaine. Barakallahu fik. La question suivante. Ma hiya muddatul masah? Ma hiya muddatul masah? Nous avons vu que le masah est légiféré. C'est une sunna. On a compris les conditions. Maintenant, il faut savoir qu'il y a un temps déterminé dans lequel nous avons la permission de faire le masah et non l'obligation de laver les pieds pour celui qui porte ses chaussons. Le masah avant cela est permis pour celui qui est résident et pour celui qui est en voyage. Pour celui qui est résident et pour celui qui est en voyage. Celui qui est résident a la permission de faire le masah pendant un jour et une nuit, c'est-à-dire 24 heures, après avoir essuyé la première fois sur ses chaussons. D'accord? Après avoir essuyé sur ses chaussons la première fois, donc il a perdu le wudu. Na'am. Au moment où il refera le wudu, et il aura donc essuyé sur ses chaussons, à partir de ce moment-là, il a un jour et une nuit. Donc 24 heures. Quant au voyageur, Il a trois jours et trois nuits. Il a trois jours et trois nuits. علي بن أبي طالب رضي الله عنه نجي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم رواه مسلم. Et ceci est pris du hadith d'Ali ibn Abi Talib dans le recueil de l'imam Muslim. ولكن العاصي بسفره العاصي بسفره يمسح مسح المقيم لا يترخص رخصة المسافر. Par contre, les savants ont dit, quant à celui qui voyage afin de commettre le péché, le but de son voyage, commettre le péché. Naam. Il voyage pour aller voler. Naam. Ou il voyage en Thaïlande pour commettre az-zina. Naam. Ou il voyage en Syrie pour rejoindre al-mubtadi'a, al-dalla, da'ish wa amthala. Naam. Ou il voyage liyakhruju ala wali al-amri al-muslim. Celui qui voyage afin de combattre le gouverneur. Celui qui voyage afin de rejoindre des groupes terroristes. Celui qui voyage afin de rejoindre des innovateurs égarés, ignorants comme Daesh et leurs semblables. Naam. Cette personne-là, aasi bi safari, son voyage en soi, c'est un péché. Il n'aura pas le droit de faire al-rukhsa. Naam. Il n'aura pas le droit de faire al-rukhsa. Celui et celle qui se sauvent, naam, de leurs parents, sans la permission de leurs parents, qui se cachent, puis qui pleurent, puis qui partent, et laissent leurs parents ici, en larmes, aller frapper à toutes les portes. Naam, celui qui rend malade sa mère, puis son père, puis ses frères et sœurs, puis ses proches et ses voisins, parce qu'il part rejoindre des égarés, égareurs, innovateurs, pervers. Naam. Cette personne-là commet les pires des péchés. Naam, commet parmi les pires des péchés. Uququl walidayn. Uququl walidayn, la désobéissance envers les parents. Naam. Al-bid'ah. Et la bid'ah, l'innovation, est plus aimée chez Iblis que les grands péchés. Al-bid'ah. أحب إلى الشيطان من المعاصي والكبائر. Pourquoi? Car du péché, tu t'en repens, tu sais que c'est mal. Mais l'innovation, celui qui est dans l'innovation, il croit qu'il se rapproche d'Allah, il croit qu'il fait le bien. Naam. Ces gens-là, lorsqu'ils mettent des bombes, ou lorsqu'ils tuent les gens, et ainsi de suite, ils pensent qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou lorsqu'ils enlèvent des gens, ils pensent qu'ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'ils ne font que s'éloigner, jour après jour, minute après minute, d'Allah subhanahu wa ta'ala, et se rapprocher du shaytan. Iyadan billah. Donc cette personne n'aura pas la permission d'essuyer trois jours et trois nuits, mais 24 heures. Donc, à partir de quand nous commençons à compter le mazal, la période dans laquelle il nous a été permis d'essuyer sur les choses, à partir du premier essuyage, du premier effleurement. Naam. Pas à partir du moment où tu perds el wudu. Pas à partir du moment où tu perds el wudu. Donc on ne compte pas selon le nombre de prières. Il se peut que tu fasses le mess plus de 5 prières. Plus de 5 prières. Par exemple, Abdullah se lève le matin. Il fait al-wudu. Il lave ses pieds. Il enfile ses chaussons ou ses chaussettes. Et vous remarquez que depuis le début, je dis le mot chausson. La mas'ala des chaussettes viendra avec l'épreuve, incha'Allah ta'ala. Donc, il s'est levé avant le Fajr. Il a fait le wudu, il a lavé ses pieds, enfilé ses chaussures. Il est 5h du matin. Il va au masjid, il salit le Fajr. Il va au masjid et il prie le Fajr. Ensuite, il reste au masjid jusqu'au shuruq. Pour avoir la grande récompense de celui qui reste au masjid jusqu'au shuruq. Fi dhikrillah. Na'am. Puis, il prie 2 raka'at. Ensuite, il rentre chez lui. Il révise le Coran. Puis, il va au travail. À 8h. Il a toujours le wudu. Puis il prie le Dhuhr. Puis il prie le Asr. Il a toujours le wudu. Naam. Il a mis ses chaussettes à quel moment? Avant le Fajr. Il est 18h, il a toujours le wudu. Arrivé au Maghrib, il perd le wudu. Non, après le Asr, après la prière du Asr, il perd le wudu. Voilà. Et il ne refait le wudu que pour la prière du Maghrib. À quel moment il a mis ses chaussettes avec le wudu, ses chaussons avec le wudu? Avant le Fajr. À quel moment est-ce qu'il a perdu le wudu? Après la prière du Asr. À quel moment est-ce qu'il a fait le wudu et a donc essuyé sur ses chaussons? Hein? Au Maghrib. Au Maghrib. D'accord? À 19h. Jusqu'à quand Abdullah peut faire le masah? Jusqu'à quand Abdullah peut faire le masah? Na'am. Jusqu'au lendemain au Maghrib. Donc il aurait ses chaussettes combien de temps? Hein? Plus de 24 heures. Il les a mis par exemple à 4h30 du matin ou à 5h du matin. Ça fait combien d'heures? Comptez. Comment? 24 heures et il a rajouté 15 heures. 24 heures et il a rajouté 15 heures. Donc c'est pas selon le nombre des prières. On compte à partir du moment où il a fait le masah, où il a essuyé sur ses chaussures. À partir de ce moment-là, il y a 24 heures. Donc s'il garde le wudu, na'am, toute une journée, même s'il a mis ses chaussettes le matin, cette journée, on la comptabilise pas dans le temps du masah qu'il lui reste. On comptabilise, on compte à partir du moment où il a fait le masah pour la première fois. Est-ce que ce point-là est clair? Ce point-là n'est pas clair? S'il fait le masah, il n'a pas perdu le wudu. Comment? S'il fait le masah, il refait le wudu, mais il n'a pas perdu pour avoir la réponse. Allahu a'lam. Une fois qu'il prend les admissions qu'il refait le masah, Allahu a'lam. Note la question, je vais la poser, inshallah. Je ne sais pas. Est-ce que ce point est compris? Wadah? C'est pas clair? On ne compte pas les 24 heures ni à partir du moment où tu as mis tes chaussettes ni à partir du moment où tu as perdu le wudu. Mais on compte les 24 heures à partir du moment où tu auras essuyé sur tes chaussettes en refaisant le wudu pour la première fois. Est-ce que c'est clair? Alhamdulillah. Après avoir compris cela, il nous faut savoir maintenant comment s'effectue le masah. Kayfiyatul masah 'ala al-khuffayn. Comment est-ce qu'on essuie sur les chaussettes ou bien sur les chaussons? Yamsah akthar 'ala al-khuff. Il doit essuyer la plupart du haut de ses chaussons. Pourquoi est-ce que les savants n'ont pas dit tout le haut? Pourquoi pas tout le haut? Cette question elle a été posée à Cheikh Souleyman Rahil, Hafidhahullah Ta'ala, il a répondu. L'effleurement est fait avec quoi? Avec les doigts. Quand tu essuies, tu touches tout le haut ou pas? Non. Donc, ça n'est pas une condition. Mafhoum? Si tu passes tes mains comme ça, tu touches tout le haut? Non. Donc, ça n'est pas une condition. Donc, la yajibu al-mas'h ala jami' al-khuff. Ça n'est pas une obligation de passer sur l'ensemble du chausson. Ni l'ensemble du haut, ni l'ensemble du bas. D'accord ? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, masaha alayhima, il a essuyé dessus. Donc, ça c'est la première information. Tu essuies sur les deux. Pas sur une, sur les deux. Deuxièmement, sur le haut. Quant au bas, na'am, sous tes pieds, non seulement tu n'essuies pas, en plus ça n'est pas valable et ça n'est pas légiféré. Wadah. Et on se rappelle de la parole de Ali ibn Abi Talib, si la religion était avec la raison, l'essuyage se ferait sous les chaussons. Donc, la yulziu madha mas asfal al-khuf. Ça n'est pas valable si tu essuies en dessous. Certaines personnes, on les voit faire le wudu. Na'am, et elles font comme ça avec leurs deux mains. Avec leurs deux mains, elles prennent le pied, la main droite sur le pied. Na'am, et la main gauche sous le pied, elles font ainsi. Hadha khata. Ça c'est une faute. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas fait ainsi. Masaha alayhima. Il a essuyé au-dessus seulement. Et qui est-ce qui nous a été envoyé, nous, les musulmans? Qui est-ce qui nous a été envoyé pour nous enseigner notre religion? Al-Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça n'est pas valable non plus celui qui essuierait que les talons. C'est pas valable. Et ça n'est pas sunnah. Est-ce que tu dois passer tes deux mains en même temps ou pas? Indaman. Naam. Pas obligatoirement. Ou al-aqrab ila sunnah. Et la chose la plus proche de la sunnah. Naam. Essuie les deux en même temps. Qu'est-ce qui nous ferait dire ça? Parce que le Mughira ibn Shu'ba nous dit « Wa masaha alayhima » et il a essuyé sur les deux. Ça c'est le premier avis. C'est de dire que le plus proche de la sunnah est d'essuyer les deux en même temps. Tu as fini la tête et les oreilles. En même temps, tu essuies la droite et la gauche. En même temps. Et cela est pris du hadith al-Mughira, du fait qu'il nous dit « radiallahu anhu » et il a essuyé sur les deux. Le deuxième avis des savants est de dire « qu'à sunnah, pour ce qu'il y a en double dans les membres, dans le wudu, c'est de commencer par quoi? Hein? La droite. De la même façon pour le mesh, on fait le mesh sur la droite, ensuite on fait le mesh sur la gauche. Wal-amru wasi' walillah alhamd. Naam. Et cette question, alhamdulillah, que tu fasses cela ou que tu fasses ceci, les deux c'est bon. Que tu fasses cela. Ou ceci, les deux c'est bon. Et les savants disent ceci et cela. Pour essuyer, tu n'as pas besoin de remplir tes mains d'eau. Ou de tremper tes mains dans un seau. Il te suffit d'avoir les mains mouillées pour essuyer sur tes chaussettes. Et ne laisse pas la porte du ouest-ouest s'ouvrir à toi. Personne ne fait le mess. Ensuite, elle dit non, peut-être qu'il n'y avait pas. Elle reprend de l'eau. Mais je ne vois pas que c'est mouillé. Alors elle, là, tes mains mouillées, khalas. T'as tes mains mouillées, tu passes. T'as dit, na'am, tu passes sur le haut de tes chaussons. Wa yakfi kadhalik wa alhamdulillah. Quelques points qu'on peut détailler concernant al-mash ala al-khuffayn. Nous avions cité la question du mieux à faire entre al-mash et al-ghusl. Et la conclusion était de dire Le mieux, c'est de faire. C'est d'essuyer tantôt et de laver tantôt. Mais le plus souvent, tu laves. Mais le plus souvent, tu laves, car c'est ainsi qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la preuve, les nombreux ahadiths. Les nombreux ahadiths où il lavait ses pieds. Et tu essuieras plus particulièrement lorsqu'il y aura un besoin ou une difficulté. Une difficulté comme le froid, comme la maladie. Un besoin, une difficulté comme le froid, comme la maladie. Naam. Celui qui est au travail, par exemple, il y a une difficulté à enlever ses chaussettes et laver son pied. Le masque, c'est une grande facilité. Une nécessité, idhar ou sunna, le fait de montrer la sunna, d'enseigner aux gens la sunna. D'apprendre aux gens cette sunna. Il se peut que les gens ne sachent pas. Naam. Il se peut que les gens ne sachent pas. Et qu'ils aient de la difficulté au travail, par exemple, à laver leurs pieds dans un lavabo. Alors que toi, tu connais cette sunna. Enseigne aux gens cette sunna. Fais-le en public pour qu'ils te disent, qu'est-ce que tu fais? Tu leur dis, hadith, sunna tu rasulillah. Ça, c'est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu leur cites le hadith al-Mughira, tu leur cites le hadith Ali ibn Abi Talib, et tu leur montres comment faire cette sunna, et tu leur expliques les conditions. Wa jazakallahu khayra. مسألة إذا لبس الخفين بعد التيمم إذا لبس الخفين بعد التيمم فهل له أن يمسح على الخفين؟ Celui qui a mis ses chaussons après avoir fait التيمم, sa purification il l'a pris avec التيمم, les ablutions sèches. نعم, il n'a pas pu utiliser de l'eau. Il a fait التيمم. Il a mis ses chaussons. Est-ce qu'il peut faire al-mas dessus sur ses chaussons ou pas? Est-ce qu'il peut faire al-mas sur ses chaussons ou pas? قال بعض أهل العلم لا لأن التيمم طهارة ناقصة ليست كاملة. Le premier avis des gens de science est de dire qu'il ne peut faire al-mas. Il ne peut essuyer sur ses chaussons, car le tayammum est une purification certes, mais qui n'est pas complète. Qui n'est pas complète. Et ceux qui prouvent cela est que dans le cas où il trouverait de l'eau, il lui serait obligatoire d'utiliser cette eau. Deuxièmement, ils ont dit at-tayammum rafi'. Naam. عفواً التيمم لا يرفع الحدث بل إنما هو مبيح. Aussi ils ont dit que le tayammum n'enlève pas l'état d'impureté. Il ne fait que permettre à la personne de faire des actions qui étaient conditionnées par l'état de purification. Voici le premier avis. الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى dit والراجح أنه يجوز. الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله تعالى savant de Ménène a dit et l'avis prépondérant est de dire qu'il peut faire al-mas sur ses chaussons même s'il a fait al-tayammum, même s'il a acquis sa purification avec al-tayammum. لأن التيمم طهارة كاملة في حق من يحتاج إليه. Car al-tayammum c'est une purification complète pour celui qui s'est retrouvé dans le besoin de faire al-tayammum et qui n'a donc pas pu utiliser al-ma. Et si la législation l'a permis, ou l'a permis, c'est que ça ôte l'état, ça enlève l'état d'impureté. Si ce n'est que, إلا أن الفرق بين التيمم والوضوء أن الوضوء رافع للحدث لا إلى أمد. لا إلى أمد. والتيمم يرفع الحدث إلى أمد. Quelle est la différence donc dans l'état de purification entre celui qui a fait al-wudu et celui qui a fait tayammum? C'est quoi la différence entre les deux? Si le shir nous dit que tous deux peuvent faire al-mas, il nous dit la différence, c'est que lorsque tu fais al-wudu, ça t'enlève l'état d'impureté sans limite de temps. C'est-à-dire, tant que tu ne commets pas un des annulatifs de l'wudu, t'as l'wudu. Alors que celui qui a fait tayammum, cette purification qu'il a acquis, elle a un temps, une date butoir. C'est quoi? C'est le moment, c'est laquelle? Le moment où il trouvera de l'eau. Le moment où il trouvera de l'eau. هل يجوز مسألة أخرى هل يجوز المسح على الخفين إذا ظهرت القدم أو شيء. Une autre question, est-ce que nous avons la permission de faire al-masah si du pied apparaît? En d'autres termes, si les chaussons sont déchirés, s'il y a des trous qui laissent apparaître à des endroits la peau de la personne, le pied, des endroits du pied de la personne, que ce soit au-dessus, derrière, en dessous, est-ce qu'il a la permission de faire al-masah ou pas? Les savants ont divergé dans cette question. Je ne vais pas vous détailler ce point, mais l'avis prépondérant qui a été retenu par al-muhaqqiqoun est de dire al-khuruq al-mu'tada allati yatasahalu an-nas fiha fi hukm al-'ada la tamna'u al-mas' 'ala al-khuffayn li'anna al-ghalib 'ala khifaf as-sahaba الخروق والغالب عليه الفقر الفقر. Donc la réponse est que c'est permis de faire al-masah sur des chaussons même s'ils sont troués, à condition que ça ne soit pas exagéré au point où cela ne s'appelle plus des chaussons ou des chaussettes, ou au point que les gens habituellement ne portent plus cela. D'accord? Au point où les gens ne portent plus cela. Il faut que ce soit des trous qu'on peut trouver de manière habituelle sur les chaussons des gens. D'accord? Au point où la personne, même en ayant cela, elle se dirait c'est pas grave. Na'am, elle se dirait c'est pas grave, c'est pas trop la honte, si vous voulez. Les savants avancer pour preuve la situation et l'état des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam à l'époque. Pour la plupart d'entre eux, ils étaient pauvres et certains étaient très très pauvres. Donc ce qu'on sait de, yani sans aucun doute, c'est qu'il y avait des trous sur leurs chaussons. Et c'est la situation du pauvre, sans aucun doute. Donc il y avait des trous. Malgré cela, ils faisaient al-masah. Mais il faut que ce soit des trous qu'on a l'habitude de voir et de trouver. Il ne faut pas que ce soit exagéré au point où presque personne n'oserait porter cela, si ce n'est le marginal. Naam. Quelqu'un pourrait dire, oui mais moi, yani, la dunya elle est derrière moi, d'accord? Je ne suis pas marié, ma'adha, yani ma'alish, ma'ajil hal. C'est quelqu'un qui, comment on va dire ça? Il ne se soucie guère du regard des gens, à un point tel qu'il peut mettre des chaussons trouées de partout. En haut, en bas, devant, derrière, au point où, mathalan, par exemple, les quatre doigts de pied apparaissent. Lui, il dit ma'alish. Il dit donc, moi, vu que je mets ça, je peux faire le mess. Les ulama, ils ont dit non. Lui, il est marginal. Il est marginal, ce n'est pas une chose habituelle. Et la grande majeure partie des gens auraient honte de s'afficher un tel mada de la sorte. De s'afficher de la sorte. Donc dans ce cas-là, ça ne sera pas permis. Donc s'il y a des trous, d'accord, et que ça n'est pas exagéré, comment déterminer exagéré ou pas exagéré? C'est si de manière habituelle les gens se laissent aller à les porter. D'accord? ça c'est bon. Dans le cas où presque personne oserait les mettre, à ce moment-là, on ne peut essuyer dessus. Il a fini en disant « وَالْعِبْرَةُ بِالْغَالِبِ » Ce qui compte, c'est la majorité. C'est-à-dire, est-ce que la majorité apparaît ou la majorité est cachée? Est-ce qu'on appelle ça vraiment des chaussettes, des chaussons ou pas vraiment? Si oui, oui, sinon non. Non. طيب يأتي هذا إن شاء الله. طيب هذا كذلك يأتي. بارك الله فيك. Concernant les femmes, beaucoup de questions, les collants et des choses qu'on ne connaît peut-être pas encore. Inch'Allah, ça viendra. Maintenant, la grande question. Al-mashu ala al-jawrabi. Et les chaussettes. L'effleurement des chaussettes. Hal yajuz al-mashu ala al-jawrabi? Est-ce qu'il nous est permis, tout comme il nous est permis d'essuyer sur les chaussons, d'essuyer sur les chaussettes, ou pas? Na'am ala sahih. Oui, cela est permis, selon l'avis le plus plausible. Yumsahu alayhima bimufradihima. La réponse est que oui, selon l'avis prépondérant des gens de science, nous avons la permission d'essuyer sur les chaussettes, tout comme nous avons la permission d'essuyer sur les chaussons, sans avoir autre chose en plus des chaussettes. C'est-à-dire que la personne qui a simplement des chaussettes peut essuyer dessus. On ne conditionne pas le fait qu'elle ait des chaussettes et en plus de ses chaussettes, des chaussons ou autre chose. Non, c'est sur ses chaussettes, elle peut faire le mess, même si elle n'a que au pied mada ses chaussettes. Même si elles sont fines. Même si elles sont fines. Voilà au cas la trafifatayn. À condition que la plupart du pied n'apparaît pas. À condition que la plupart du pied n'apparaît pas. Cheikh Souleymane Rahili a dit haqiqatan, n'apparaît pas. Haqiqatan, ce qu'on comprend de sa parole, c'est-à-dire, lorsqu'on dit n'apparaît pas, c'est-à-dire, ça ne veut pas dire voir la couleur du pied, voir le pied. C'est-à-dire, comme on parlerait de trou. Vous avez compris? C'est-à-dire, si le vêtement couvre le pied, c'est ça la condition. Naam, s'il couvre le pied, c'est bon. S'il ne couvre pas le pied, ça n'est pas bon. D'accord? Et ça répond à la question qui est posée souvent sur quoi? Sur les collants des femmes. Naam? Et sachez qu'il y a une divergence sur cela. Certains savants disent non. Naam? Et pour cette question, j'ai besoin d'appeler un savant pour qu'il me fasse mieux comprendre certaines divergences. Puis je vous transmettrai, inshallah ta'ala, la réponse. Certains savants, parmi les grands savants, disent que ça n'est pas permis. Sachez-le. Déjà, fi hadith an al-Mughira, anna Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam, Masa ala jawrabi wa na'li. Dans un hadith, il nous a été cité le hadith al-Mughira que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé sur ses chaussettes et sur ses chaussons. Sur ses chaussettes et sur ses chaussons. Le shir a dit, certains pourraient dire que le waw ici, na'am, ça peut vouloir dire sur ses chaussettes et ses chaussons ensemble. Donc, pour essuyer sur les chaussettes, il faut avoir aussi des chaussons. Le shir a dit non. لِأَنَّ الْأَصْلِ فِي الْوَاوْ أَنَّهُ يَقْتَقْتَذِي الْمُغَيَّرَ. Car la base sur le waw, c'est que ça nous indique une différence, une distinction entre ce qui est cité avant le waw et après le waw. Naam, entre ce qui est cité avant le waw et après le waw. C'est-à-dire qu'il a fait le mess sur ses chaussettes. Voici une information, une autre information, il a fait le mess sur ses chaussons. Voici le sens de cette parole. وَجَاءَنْ جَمَعَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ الْمَسْحَ عَلَى الْجَوْرَبَيْنِ. La deuxième preuve, c'est que nous avons des textes authentiques qui montrent que les sahaba, que des compagnons, ont essuyé sur leurs chaussettes. Qui montrent que les compagnons ont essuyé sur leurs chaussettes. قال أحمد الإمام أحمد رحمه الله تعالى أج يذكر المسح على الجوربين عن سبعة من الصحابة أو ثمانية. الإمام أحمد رحمه الله تعالى أج le masح sur les chaussettes a été observé sur sept ou huit parmi les compagnons du prophète صلى الله عليه وسلم. وذكر ابن المنذر المسح على الجوربين عن تسعة من الصحابة. Ibn al-Munzir nous dit, on a rapporté le mash sur les chaussettes de neuf parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال ابن قدامة رحمهم الله ولا يعلم لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا. Ibn قدامة رحمه الله تعالى nous dit, et on ne connaît personne à leur époque les ayant contredit. C'est-à-dire des compagnons ont fait le masih. Et on n'a pas de parole d'autres compagnons qui leur ont reproché cela ou qui ont divergé avec eux dans cette question. Alors, c'est un consensus. Alors, c'est un ijma'. Ils sont tous d'accord sur cela. Une autre preuve avancée, لأنه ساتر لمحل الفرض ويشق نزعه عند الوضوء فأشبه الخف. Ils ont aussi dit que la chaussette couvre la partie qui est lavée à la base. Deuxièmement, il y a une difficulté à l'enlever à chaque wudu. En cela, elle ressemble aux chaussons. Donc, tout comme nous pouvons essuyer sur les chaussons, nous pouvons essuyer sur les chaussettes. Est-ce que c'est clair? Et l'imam al-Albani, rahimahullah ta'ala, nous dit, les textes que nous avons utilisés pour permettre l'effleurement des chaussons, nous les utilisons pour permettre l'effleurement sur les chaussettes. Sur les chaussettes. Voici pour l'effleurement des chaussettes. Une question que je vous adresse. Les chers frères, vous qui êtes entrés à la mosquée, est-ce que vous pouvez fermer, ou le frère qui est entré à la mosquée, est-ce qu'il peut fermer? Jazakallahu khayran. Car faibles que nous sommes, nous avons froid. Une question que je vous adresse. Pendant combien de temps le muqim, celui qui est résident, peut faire le masih? Pendant 24 heures. D'accord. Donc moi, j'ai fait le wudu au dhahr. Naam, au dhahr j'ai fait le wudu. Jusque demain au dhahr pour faire al-masah. Tu m'as dit pendant 24 heures. Donc ça n'est pas... Tu reviens sur ta parole, c'est pas pendant 24 heures. Tu dis que c'est pendant 24 heures. T'as parlé tellement vite que j'ai pas pu t'arrêter. Mais c'est la bonne réponse. Naam. Donc, comme a dit notre cher frère, pendant 24 heures, certes, mais à partir de la première fois, on essuiera sur les chaussettes. Pendant combien de temps le voyageur peut essuyer sur ses chaussons? Il y a longtemps que je ne t'ai pas donné la parole. T'as pas de bonne. 3 jours, à partir du moment où pendant 3 jours à partir du premier, de la première fois où il a passé sur, il a essuyé sur ses chaussettes. D'accord. Et durant la nuit, il ne peut pas faire le masah. Si? Il a 3 jours. D'accord. Je vais te donner une situation. Nous sommes la nuit. D'accord? Il se lave, ou bien il fait le wudu, et il met ses chaussettes. Et il perd le wudu tout de suite, après. D'accord? Il va, il fait le wudu, il essuie. D'accord? Donc toi, ton avis, c'est de dire qu'il fait, qu'il a encore toute cette nuit, jusqu'au fajr, et ensuite, après le fajr, il a encore 3 jours, plus ce moment-là. Il a 3 nuits. Que 3 nuits? Donc 3 jours et 3 nuits. D'accord. Et là, j'arrive à ma question. On est quel jour? Naam, mercredi. D'accord. Abdullah, ou bien Abdurrahman, son frère, il veut voyager. Demain, jeudi. Hein? Inch'Allah ta'ala. Et il a fait le wudu le matin. Et le vol est au asr. Il a fait le wudu le matin. Il a perdu le wudu. Avant l'asr. Il a fait le wudu au asr. Alors qu'il est chez lui. Il va au masjid. Ici. Vous suivez ou pas? Et il voyage après l'asr. Il prend l'avion. Et il va en Umrah. C'est clair ou je répète? Il a fait al-wudu le matin. Pour la prière du matin. D'accord? Il a perdu le wudu avant la prière du asr. Il a refait le wudu, il a fait le masjid. Il est en voyage ou il est résident? Il est résident. Après l'asr, il voyage. Wadah? Pendant combien de temps est-ce qu'il peut faire le masjid? Il ne peut plus faire le masjid? Non. Pendant 3 jours. À partir du moment où il a essuyé pendant 3 jours, après l'asr, lui il a fait le wudu avant l'asr, il a essuyé, mais il a voyagé après. كلمني بالعربية. أيوة. هذا مسح قبل العصر. كان مقيما. أيوة. طيب. تقول إن المدة تبتدئ بعد سفره. بعد المسح في سفره. Le frère dit qu'il compte 3 jours et 3 nuits, mais pas à partir du premier mess. Pas à partir de la première fois où il a essuyé ses chaussettes, mais à partir de la première fois où il essuiera pendant son voyage. Vous êtes d'accord? المسألة الأول الذي تحسب الشيخ lui dit qu'on compte à partir de avant l'asr la première fois qu'il a fait le masah. Mais pendant combien de temps? 3 jours et 3 nuits. Qu'est-ce que tu dis toi? Un jour et une nuit. Vous êtes d'accord? Un jour et une nuit. Non. C'est quoi la différence entre 24 heures, un jour et une nuit? Aïe, voilà. Je suis fatigué, mais pas à ce point-là. Naam. Naam. Si l'intention a été mise le matin, comment? J'ai pas compris ou j'ai pas bien entendu. Si l'intention a été mise le matin, il est en voyage. D'accord. Si tu es chez toi et tu mets l'intention du voyage, et c'est pendant Ramadan, tu jeûnes pas? Tu jeûnes? Tu jeûnes ou tu jeûnes pas? Tu as l'intention de voyager. Tu m'as dit, c'est moi, je reprends tes termes. Tu jeûnes ou tu jeûnes pas? C'est Ramadan, c'est obligatoire. Cherche pas un échappatoire. C'est là que ça se passe. Ramadan. Comment? Man yufarrij anna. Toi, tu le sauves carrément. Taïb. Il va mettre en pratique le dars, il va faire le wudu. Donc, qu'est-ce qui nous donne une réponse claire? Toi, t'es revenu du bled, donne-nous une réponse claire. Aïwa. Je vais vous rajouter une difficulté à cette difficulté. Il est en voyage. Finalement, il se plaît. Et khalas, il habite là-bas maintenant. Il est en voyage. Un jour. Finalement, il se plaît et il reste. Il fait le mess combien de temps? Non, ça c'est une autre question. Ça c'est une autre question. Vous réfléchissez. Vous écoutez l'adhan, vous répétez les termes du adhan, ensuite vous faites la dua, puis on revient à notre question. Et sachez qu'entre l'adhan et l'iqama, les duas sont mustajaba, donc demande à Allah Azza wa Jal qu'il augmente notre science. Alhamdulillah wa ba'd. Je vais répéter les questions et les branches de ces questions. La personne est en voyage. Puis elle s'installe. Donc elle était voyageur, puis elle devient résidente. Pendant combien de temps elle peut faire le mess? Deuxième question. Elle est résidente, puis elle voyage. Pendant combien de temps elle peut faire le mess? Et pour ces questions-là, si elle a fait le mess en étant yani avant de voyager, et si elle a fait le mess pendant son voyage. Tout ça est à prendre en considération. Donc les réponses. لو مسح في سفره. Le premier cas, c'est le cas où la personne n'a pas fait le mess avant Mada de voyager. Cette personne-là, il n'y a pas d'ishkel. Parce que le mess, elle l'aura fait dans son voyage. Donc on n'a pas de problème. Elle comptera au premier moment où elle aura essuyé sur ses chaussettes. C'est wadah? Elle aura 3 jours et 3 nuits. Donc elle était sur place, elle n'a pas fait encore le mess. Elle a voyagé, elle n'a pas encore fait le mess. Et au moment où il aura perdu l'eau d'eau, puis aura fait le mess, à partir de ce moment-là, il compte 3 jours et 3 nuits. Voici un cas. Le deuxième cas. لو مسح في سفره ثم أقام قبل مضي المدة. Le deuxième cas, c'est qu'il est en voyage. Il fait le mess. D'accord? Mais avant que ces 3 jours et ces 3 nuits passent, il s'installe et il devient résident. Il s'installe et il devient résident. Que doit faire cette personne? Est-ce qu'elle prend encore le temps qui lui restait, par exemple 2 jours? Là. يَمْسَحْ مَسْحَ الْمُقِيمِ. Lui, أَصْبَحَ مُقِيمًا. Il est devenu résident. Donc il doit faire maintenant le mess du résident. Ibn Qudama a dit dans cette mas'ala, يعني بلا خلاف. Il dit que dans cette mas'ala, ce cas-là, naam, ou bien il dit, بغير خلاف نعلمه. Il dit sans divergence, ماذا que nous avons connu. Je ne connais pas dans cette question de divergence. من ماذا من لبس الخفين في العصر ثم سافر ولما يمسح. نعم. Donc celui qui a mis ses chaussons au Asr, il n'a pas encore fait le mas. Puis il a voyagé. طيب. ابتدأت المدة بعد المسحة الأولى. Cette personne, le mas, plutôt, elle comptera à partir du premier moment où elle aura fait le mas dans son voyage. Et dans ce cas-là, يمسح مسح المسافر بلا خلاف. Dans ces deux cas, il n'y a pas de divergence. Il est en voyage, maintenant il est muqim, il fait le mas du muqim. Il part sans avoir fait le mesh et pendant son voyage seulement il fait le mesh, il fait le mesh du voyageur. Dans ces deux cas-là, il n'y a pas de divergence. طيب. Ensuite, le troisième cas. من لبس الخفين في الحضر. Celui qui a mis ses chaussons en étant résident. ومسح عليهما. Ça, c'est le cas que je vous avais demandé au début. Il est sur place. Il fait le wudu, il fait le masah. Thumma safar, puis il voyage. Fal yamsah masah al muqim am al musafir. Est-ce qu'il pourra faire le masah du voyageur ou bien il devra faire le masah du résident? Al rajih annahu yamsah masah al musafir. L'avis prépondérant est de dire qu'il fait le masah du voyageur, même s'il a commencé son masah madha en étant résident. Pourquoi? Parce qu'on regarde son cas. C'est quoi son cas? Quand on le regarde, il est voyageur. Donc il prend les rochas du voyageur. Tant qu'il entre dans les caractéristiques du voyageur, il a le droit de prendre la permission du voyageur. Un point que je n'avais pas cité concernant les Mada, ce qui renforce l'avis et qui montre que c'est l'avis authentique, le fait de dire qu'on commence à compter après la première fois qu'on essuie sur les chaussons ou les chaussettes. Naam. L'imam al-Albani rahimahullah ta'ala a amené des athars et les ulama ont été reconnaissants envers lui du travail qu'il a fait dans le hadith dans cette question religieuse. Al-Masah Al-Khufayn et sur les chaussettes. Il a étudié les asanides de beaucoup de textes, rahimahullahu ta'ala. Rawal Khalal, atharan fi hadha. Anna Umara, radiallahu anhu, qal. المسح إلى مثل ساعتك التي مسحت فيها. عمر بن الخطاب رضي الله عنه a dit: tu peux essuyer jusqu'au même moment où tu auras essuyé dessus. C'est-à-dire pendant 24 heures après avoir essuyé tes chaussons. Non. Prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, on reprendra certaines questions qui peuvent être problématiques. On verra qu'est-ce qui annule la permission de faire le masque. J'ai pas entendu. Pas compris. طيب. Notre oncle nous demande quel mot, c'est ça, quel mot, quelle parole Mada engendre le plus de péchés dans l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran: Inna shirka la zulmun azim. Le shirk, c'est le pire péché. Certes, le polythéisme est un péché énorme. Le shirk, c'est le fait d'adorer un autre qu'Allah, de dire une parole. Toi, tu ne demandes pas à Allah. Tu demandes à une créature. Au lieu de dire « Ya Allah », il invoque Amor, par exemple. Ça, c'est le pire péché. Il n'y a pas un péché au-dessus de ça. C'est le seul péché qu'Allah ne pardonne pas. Allah dit dans le Coran « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ». Certes, Allah ne pardonne pas. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé. En dessous de ça, il pardonne à qui il veut. Parmi les pires péchés avec la langue, le fait de parler dans la religion d'Allah sans science. Celui qui parle dans l'islam, il parle dans la religion d'Allah. Il dit ça c'est halal, ça c'est haram. Allah subhanahu wa ta'ala dit que c'est le pire péché dans le Coran. Dans le verset dans sourate Al-A'raf, قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. Tu dis dans la religion d'Allah ce que tu sais pas. Ça, c'est la chose la plus grave. صحيح بارك الله فيك وصل اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما تعلمنا وزدنا علما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح ذرياتنا اللهم أصلح ذرياتنا اللهم أصلح ذرياتنا اللهم الله ارحم آباءنا وأمهاتنا اللهم اغفر لأمهاتنا وآبائنا وآباءنا وآبائنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك